J'impose avec une simple dose de lactose qui ne risque rien à rien, juste un petit pain aux noix. Alors nous, les rebeux, les renois, on en a marre, on a plus que nos voix pour exprimer une envie de rébellion. Tel un tourbillon, demande à papillon, lui et sa putain passion pour l'abiron. Dis donc, t'as l'air d'un vrai méchant, t'as grandi, mais moi j'm'en pas grandi, j'suis mon frère, j't'incendie. Dans la vie, y'a pas d'amis, ton pire ennemi l'a compris. Sans sortir où j'ai grandi, j'te garantis que tu seras servi. Entre toi et moi, c'est pas une question d'amitié ou d'esprit, mais une éternité de pensée qu'il faut rappeler les paix des gestes. Surpris d'avoir compris tant d'esprit. Avec ton connerie, comment tu veux que les gens y rient, alors que dans leur vie, ils arrêtent pas de trimer pour se démarquer. On t'a jamais dit qu'il fallait pas tacler. Ma vie a changé le jour où mes yeux ont reçu la perçue d'une vue qui m'a déçu. Vous avez trop couru, trop allez dans la rue. Vous avez trop couru, trop allez dans la rue. Entraque déclarée aux dirigeants, seulement faudrait penser à se bouger, secouer, disons, régler l'addition, finir les multiplications, passe à l'action. Ceci n'est pas de la fiction, mais se passe tous les jours autour des vautours qui se disent dirigeants. Seulement le problème, c'est qu'ils ont dû s'injecter, les dénoncer, sans jamais y renoncer. Espèce d'enculé, vous l'avez pas souhaité, mais vous l'avez surtout mérité. On est comme du matériel électroménager, toujours mal installé, pour pouvoir s'évader d'une masse qui se tasse, se prélasse comme une sous-tasse. Tu es là pour soutenir, alors souviens-toi, le passé et le présent, et pourtant, de temps en temps, je mens comme je respire. Ma vie pour un vampire, d'habitude, j'inspire le flux de ton air, sans être affecté par ta mentalité. Y'a plus de pitié, y'a plus de respect, je l'ai pas souhaité. Je suis tanné, je voudrais sentir sur ma peau, sans rester sur le carreau, mais du coin de l'œil, j'observe mon deuil. Ma vie a changé le jour où mes yeux ont reçu l'aperçu d'une vue qui m'a déçu. Vous avez trop couru, trop allé dans la rue. Vous avez trop couru, trop allé dans la rue. Je fais appel aux esprits fous qui cette envie de faire ou de faire croire que la raison l'emporte sur la cupidité. Un peu trop d'humilité pour respirer, on va évacuer ta dette sans s'appliquer. Dis-moi, t'aimes les belles voitures, la tête dans la lune avec l'incertitude que l'étude t'est donnée. Sans pas d'être erroné, un passé éloigné des erreurs commises. Surpris d'avoir conquis tant d'esprit, vis-à-vis d'une vie pour qui, pour toi, pourquoi pas. Mais dis-toi, sans toi et ni loi, on ira là où il faudra avec ou sans déjà. Allez debout, on arrive avec nos techniques, les mathématiques, y'a pas de mini. Les paroles vont piquer, faire gonfler, faire gonfler. Prendre que cette vie a multiples paliers, toujours courir en escalier, alors que d'autres prennent toujours ce putain d'ascenseur. Fais attention à ta ma vie a changé le jour où mes yeux ont reçu l'aperçu d'une vue qui m'a déçu. Vous avez trop couru, trop allez dans la rue. Trop couru, trop allez dans la rue. Couru, trop allez dans la rue. Couru, trop allez dans la rue. Couru, trop allez dans la rue. Ma vie a changé le jour où mes yeux ont reçu l'aperçu d'une vue qui m'a déçu. Vous avez trop couru, trop allez dans la rue. Vous avez trop couru, trop allez dans la rue. Couru, trop allez dans la rue. Ya, Mister K. Dans chaque mystère, il y a un K.